zone désertique, balle perdue, elle est passée près de son cœur. Blessé à mort, il respire encore. La balle a traversé son corps. Pour la patrie, il est ici. Mais trop jeune, il n'a pas saisi que sa chère patrie était guerrière. Derrière les beaux discours pacifiques. Et que la balle en question n'était pas perdue. La nuque posée sur le sable chaud, les yeux entrouverts, allongé encore quelques instants, il contemple le ciel pour la première